Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances, on vous propose 6 escapades éco-positives Valeurs Parc Naturel Régional. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Partons à l'assaut du lac de Madine et de ses environs, entre espaces naturels remarquables et loisirs nautiques, en mode tribu, s'il vous plaît. Les adeptes de baignade, de pêche ou de sport nautique se retrouvent sur la base de loisirs de Madine pendant la belle saison. Vous saviez que ce plan d'eau artificiel accueillait aussi une biodiversité exceptionnelle ? Eh oui, inscrite en zone Natura 2000, c'est en effet une réserve nationale de chasse et de faune sauvage. Le lac de Madine a été créé en 1974 et il a pour première fonction d'alimenter en eau potable la ville de Metz. Avec ses 1100 hectares, il constitue le plus vaste plan d'eau de Lorraine et déroule sur 40 km de berges. Le lac, comme ses étangs satellites, les forêts mais aussi les prairies forment différents milieux propices à l'accueil d'une grande variété d'oiseaux. Il y a plus de 240 espèces qui sont recensées ici. Quelques grandes fermes typiquement lorraines sont aujourd'hui transformées en hébergements touristiques, comme à Panne, avec les gîtes du Haulite. Parce qu'on vient souvent en tribu à Madine, Marilyn et André sont en mesure d'y accueillir toute votre famille. Bonjour André. Bonjour. Alors vous avez ouvert les gîtes en 2009. C'est dans une ancienne maison de vignerons. Combien y a de gîtes ? Deux. Deux gîtes. Un premier qui peut accueillir combien de personnes ? Alors 3-4 personnes. D'accord. Donc sur 80 mètres carrés. Et le second qui était le logement du commis. Qui est donc un studio pour deux personnes. Alors il ne s'agit pas là que de passer la nuit quand on vient chez vous, il s'agit aussi d'échanger, de permettre de découvrir la Meuse un petit peu autrement, parce que votre passion c'est vraiment de transmettre l'amour de votre territoire. Tout à fait, et d'échanger avec nos hôtes qui viennent de régions et de pays tout à fait différents, qui en général dans le grand ensemble ne connaissent pas la région du tout. Aussi, c'est un moyen de leur proposer différentes choses et puis de voir avec leurs aspirations pour ces périodes de congé. Vos gîtes, en fait, font la part belle à Lorraine. Ils reflètent comment l'esprit lorrain ? Le bâtiment, qui est une conception typiquement lorraine, c'est-à-dire pour le gîte avec les pièces en enfilade, un salon avec une alcôve et le lit donc, qui se trouve dans l'alcôve, un lit qui se trouve dans l'alcôve, la cuisine, qui est une grande cuisine avec une grosse cheminée et encore son bac à sa pierre à eau, et puis il faut une chambre qui donne sur l'arrière et sur le terrain. Vous avez également un poirier qui est typique donc des constructions lorraines, le poirier en espalier. Oui, qui pousse sur la façade. Voilà, tout à fait. Vous avez les bâtiments avec un appentis que nous avons transformé avec un four à pain et un barbecue. qui est très utile et très apprécié. Nous nous situons sur une parcelle de 5000 m² en plein cœur du village. Tout en étant au cœur du village, donc nous sommes entourés de maisons, mais nous n'avons aucun vis-à-vis. Donc chacun a sa tranquillité. Oui, donc c'est vraiment la tranquillité garantie. Et en plus, vous m'aviez fait comprendre que comme il y a une cave en dessous, c'est climatisé naturellement. Voilà, tout à fait. Comme du fait que ce soit une ancienne maison de vigneron, nous avons une cave qui est toujours à température constante. Et effectivement, les personnes qui logent dans le gîte profitent d'un plancher rafraîchissant en été, puisque cette cave fait toute la longueur du gîte. Ce qui est plutôt agréable. Oui, surtout par les périodes de réchauffement climatique, effectivement. Alors, en plus, vous êtes placé idéalement pour pouvoir se promener en famille, pour pouvoir découvrir le territoire. Quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'on peut découvrir en matière de tourisme de mémoire déjà ? Parce qu'à proximité, il y a quand même beaucoup de sites. Oui, il y a déjà il y a beaucoup de choses. principalement 14-18, avec le saillant de Saint-Mihiel, la butte de Montsec, les tranchées allemandes de Saint-Bossan, le cimetière américain de Thiaucourt, les villages détruits, Régnéville et autres, un musée également qui a ouvert il y a quelque temps à Régnéville sur donc 14-18. Oui, il y a déjà beaucoup de choses en matière de tourisme de mémoire. En restant relativement proche de chez nous, bon, un petit peu plus loin, ben, vous avez sur la tranchée de Calonne l'endroit où a été retrouvé Alain Fournier et ses équipiers après leur décès. Voilà, donc il y a effectivement beaucoup de choses qui se rapprochent. C'est un lieu qui est extraordinaire, parce que là on parle de tourisme de mémoire, mais il y a aussi la culture. Il y a des événements remarquables sur le territoire, je pense notamment au Grand Test Mondial Air Ballon. Oui. Donc là vous êtes vraiment tout près. Il y a également le vent des forêts aussi. Le vent des forêts qui prend de l'expansion et qui commence à être de plus en plus connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le vent des forêts, en fait c'est une forêt qui accueille des œuvres d'art contemporain et qui propose des itinéraires à pied pour pouvoir découvrir justement à petits pas et grandes enjambées ces œuvres d'art en pleine nature. Tout à fait, oui. Il y a environ 150 œuvres et il y a 5 circuits qui représentent cumulés. Je crois 45 km randonnée possible. Donc à découvrir à pied depuis chez vous, c'est formidable. Tout à fait. Il y a aussi toute la dimension ornithologique du territoire, parce que au bord de Madine, eh bien, c'est une réserve. Une réserve naturelle. Une réserve naturelle, on peut y découvrir énormément d'oiseaux. Il y a 2 sentiers à thème qui sont accessibles depuis le site de Madine-Audicourt et qui proposent de s'initier à l'ornithologie ou de s'informer sur l'histoire du site. Alors il y en a un, le premier, qui est intitulé « Mémoire du voyageur », donc il fait écho à tout ce que vous nous disiez sur le tourisme de mémoire, et donc qui permet aux visiteurs d'appréhender l'importance du lac de Madine pour les oiseaux migrateurs. Et puis le deuxième parcours, plus court, qui fait seulement 2 km, qui est baptisé « Paysage de mémoire » et qui là retrace l'évolution du site de Madine et son histoire, des événements de la Première Guerre mondiale aux aménagements du plan d'eau en base de loisirs dans les années 70. Donc vraiment à voir, on peut découvrir tout doucement en fait le territoire à partir de chez vous. Votre démarche Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine, elle a été initiée comment ? Bon, déjà parce que nous sommes vraiment en plein cœur du parc. Il s'avère que régulièrement et en contact avec des personnes du parc ou des personnes qui sont partie prenante pour le parc, effectivement, discutant ben, nos valeurs. Enfin, il y a la nature, il y a effectivement l'agriculture, la préservation de la nature, ben, beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. On essaye effectivement de rester le plus nature, le plus responsable possible. Et la valeur parc nous semblait et semblait aux personnes du parc pouvoir nous convenir et nous permet également d'avancer parce que on a un œil extérieur également dans le développement durable en fait. Voilà, c'est tout à fait. On a des discussions, des rencontres qui nous permettent effectivement d'améliorer certaines choses, de mettre en avant d'autres choses, enfin de pouvoir et puis aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont également cette appellation Valeur Parc et qui sont des personnes d'origine différente et d'activités différentes. Voilà. Et pour promouvoir votre région, vous mettez aussi beaucoup de documentation à destination de votre clientèle pour qu'ils puissent découvrir les producteurs locaux, parce que c'est un gîte, donc il faut se faire à manger sur place. Voilà. Oui, les personnes demandent ce genre de choses. Bien sûr. Je veux dire, que ce soit les boutiques, mais également les marchés, tout ce qui est proche. Donc, il change de la grande consommation. Voilà, pour être vraiment dans une consommation durable aussi, vous me disiez. C'est... Oui, là, je... C'est une préoccupation de votre clientèle. Tout à fait. Merci beaucoup, André, pour toutes ces informations. Si on veut découvrir mieux les gîtes du Holite, comment on fait ? Il y a un site internet ? Oui, nous avons notre site, donc qui est tout attaché, gîte au pluriel du Holite, holite.com. sur lequel on retrouve donc la description de nos gîtes, ainsi que tout ce qui concerne les oiseaux, la randonnée, la pêche, donc bien sûr nos tarifs et possibilité de réserver. Très bien, merci beaucoup André, et puis on retrouve aussi toutes les informations vous concernant sur le site du parc www.pnr-lorraine.com. Tout à fait.